C'était dans l'ombre du cerisier, dont les cerises reluisaient, comme mouillées, au clair de lune, deux amoureux qui s'embrassaient. Je voulais regarder, curieux. « Oui, allons-nous-en, » dit Thésie. Et doucement, à pas léger, la main de Thésie serrant plus fort, doucement, nous nous en allâmes, avec l'idée, vague et flottante, et bleue, ainsi que clair de lune, de ce que pouvait être l'amour. À quelque temps de là, les cerises, achevant d'être mûres, je retournais mes fantaisies à la vigne aux cerisiers. Un complice m'accompagnait. Nous voulions voler les cerises. Par malheur, le maître était là, un pauvre homme qui, tous les jours, débile et chargé d'ans, portait son goûter à sa vigne et ne la quittait qu'à la nuit. Pourquoi s'y trouvait-il encore, si tard, et le soleil couché? Et pourquoi, dès qu'il nous vit sur sa terre, au lieu de lever son bâton, ainsi qu'il avait la coutume, car il détestait les maraudeurs, nous appelait-il en riant? Petit, petit, arrivez vite! Le rossignol a besoin d'aide! Le rossignol est agrippé! Un rossignol et agrippé, imaginez un peu la joie, nous oubliâmes les cerises qui rougissaient le cerisier.